C'était que l'on présente plus pour moi que mon salaire. C'est pour moi un lieu où j'aime venir tous les jours. Je viens ici pour apprendre. Je viens ici pour être avec vous, mes amis. Je n'aime pas qu'on me demande de renoncer à ça. Je crois que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire. Du cuit blanche la nuit, rire d'enfer, pipi au lit. En bon douteux, on va casser des œufs à l'humeur, au front de peu. D'abord, tapant sur nos dirigeants, abuseurs d'économie. Ces louches qui se poussent avec notre argent, ces voleurs, au volant. Du pied dans la boue, à du long d'au moins ces bougalous. Ça évitera des gaz, de l'effet de serre, gagne ou tempère, des veines de femmes dans la France. Qu'est-ce qu'on se bourre, le désennui, sous les destards d'académie. Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans mes champs de choux. Chanchou, chanchou. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 76%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort. Du bon, bon, bon fort, chaton, tweetons, mais doutons encore. Oh, oh, oh, ah. Question de réponse, bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux, doute à nu. Sonne un bon doute, donne, donne, donne. Qu'est-ce qu'on s'est endormi depuis? Vive le vin douteux à 76%. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 76%. Oh, oh, oh. là là. C'est une chose qu'on peut faire avec un zucchini. On ne tannera jamais celle-là. Hein? Oh non, oh, non. Bonsoir, bienvenue à 70%. On est justement en train de profiter d'une de nos plus belles innovations qu'on a offert au monde des médias, c'est-à-dire, bien sûr, le rire de retour à la maison, qui est une création totalement originale à 70%. Ça date de 2006 ou de 1985. Je m'en rappelle plus trop. C'est avant qu'on fasse la météo avec un beat dedans. Oui, c'est ça. Et vous voilà. Vous en rappelez. Une commandité par un concessionnaire. Ça a été où, ça? Ça a été repris plusieurs fois. Bonsoir, c'est Tommy qui vous souhaite la bienvenue dans notre nouveau salon. C'est les appartements Grenier. On est avec Alexandre, on est avec Fred, Dieu, Milan. On a Stéphane P, on a Bernatché. On a notre ami ici, Emmanuel Bruno Corbin. C'est moi. Oui, et bien sûr, Étienne Forêt. Étienne. Bonsoir. Étienne et Mathieu Boudreau. Et on a un cinéaste invité, Joe Levert, pour faire de cette 250e édition de 70%. Une de tout azimut de blablabla explosion. Ça, voilà. Ça devrait être cool. C'est ce qu'on s'était dit, en tout cas. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est ce que ça va donner. Feu d'artifice. Excellent, on continue. Donc, à 70% ce soir, ou en fait dans les douteux partout au Québec, vous allez avoir la chance d'écouter un film qui s'appelle 2013, Le jeu de la mort. 2013, c'est l'année impossible, on s'en souviendra, parce que les Mayas qu'on a brûlés et détruits à coups de machette ont décrété que c'était la dernière année 2012 qu'on est en train de vivre. C'est donc encore un petit peu plus léger, on est un petit peu plus relax, on est dans un nouveau studio, on fait un épisode en différé. Puis moi, je suis dans la pièce à côté de vous autres en train de m'écouter. Fait qu'on va passer une belle soirée. On commence avec, je sais pas si vous savez, mais le Yuki, qui est le petit chien dilaté qu'on passe à tous les lundis soirs pour ramasser les fonds. Émilie, en fait, qu'on remercie. Bien, ça vient d'une chanson qu'on passait dans à peu près tous nos visionnements en 2017-2008. Ouais. On va écouter Richard Gontainer, Gontainer, le Yuki. Gontainer. Vous allez voir les chiennes. Sont sexy. Les chiennes. Ah oui, ça me sent pas. Comme ça, un projet de beau bowling. Un beau classique. Ça va être pas pire en mots. Quasiment dessiné des équipes. J'ai amené mes souliers. J'ai amené mes souliers. Sorti tes bouts. Oui, oui. Sorti tes bouts d'hiver. Oui, oui, j'en ai pour toutes les occasions. Il était où le gentil Tiyuki? Où il était le gentil Titoutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Tikiki? Et où il est le pépère au Wawa? Yuki s'est dit où c'est qu'est son pépère? Il était où, hein? Son papa? Le bon pépère que son kiki préfère. Et sa mémère alors? Et sa mémère? Où elle est la mémère à sa nounouche? Elle était où, hein? Sa mémère? Qui donne du sucre avec la boubouche? Il était où, hein? Le Yuki, il était où le gentil Titoutou? Il était où, hein? Le Yuki, le gentil Titoutou, il était où? Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça? Où c'est qu'il était son papi et son pépère? Où c'est qu'il était? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki à mamie? Où ça, hein? Il était là le plus beau des cookies. Il était là qui? Le boubou. Le plus joli de tous les bonouki. Et c'est à qui tout ça? C'est à qui? À qui c'était les papates poilus? Il a que, hein? C'était à qui? C'est à Yuki la queue qui remue. Et le Yuki alors, il est à qui? À qui c'était le mignon choupinou? À qui c'était, hein? Le beau Yuki? À son papy ou bien à sa nounou? Il est à qui, hein? Le kiki. Il est à qui le gentil Titoutou? Il est à qui, hein? Le Yuki. Le gentil Titoutou, à qui c'est qui? À qui, hein? À qui? À qui, hein? À qui? Si c'était pas à son papi, à son pépère, alors à qui? À qui il était le Yuki? Si c'était pas à sa mamie? À qui, hein? À qui? À qui, hein? À qui? c'est qu'est-ce qui m'a fait je suis ça. Peux-tu venir ici gros dégoûtant et pas bouger, assis debout couché à son panier, oh le méchant. Va te coucher son pépère est fâché. Kiki t'a vu pépère est en colère. Le pépère a you qui fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mes mères on est pas malheureux. Le cucu, hein, c'était qui? Mais qui c'est qui des deux le plus neuneux? Le plus neuneux, hein, c'était qui? C'est qui le plus cucu des deux? C'est qui, hein, c'est qui? C'est qui, hein, c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui, hein, c'est qui? De toute façon c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? De toute façon, c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute façon, c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son. Georges ici, dans ce somptueux sofa. Je te dis qu'on est pas mal plus confortable dans ce studio-là. Donc, j'ai préparé un petit spécial rétrospective, vu que c'est la 250e. On les a toutes bien comptées, surtout Tony, en fait. Nous, on l'a écouté et on l'a cru. Puis que ça fait, en même temps, ça fait 8 ans que cette émission-là existe, même si ça fait pas 8 ans que moi, j'y suis. J'avais préparé une rétrospective très légère le 21 mai dernier, vous vous en souviendrez tous, pour ceux qui écoutaient les hordes de fans qui me suivent constamment d'une émission à l'autre. Pour les, je ne sais plus combien, 4 ans, douteux, 5 ans, je ne sais plus combien on est rendu. Oui, ça faisait 5 ans. 5 ans. Je l'ai ramené et je l'ai étoffé un peu. Donc, on repart avec quelques classiques. Premièrement, voilà, la première chanson que j'ai fait jouer, la première fois que j'ai participé à une émission de 70%, ça va être vintage, il y a de cela fort longtemps, en 2008, il s'agit de Jenny Fontaine et Gaétan Richard qui chantent « Cher détenu ». Donc, cher détenu, c'est sublime. Le principe de ça, c'est que c'est une femme dont le mari est en prison qui décide de casser avec lui en y écrivant une lettre pendant qu'il est en prison. Donc, déjà, le summum du bon goût. Et en plus, elle le laisse pour quelqu'un d'autre. Puis, dans la chanson, fait à noter, elle l'appelle détenu. Elle n'utilise jamais son prénom. Donc, c'est déjà, le lien s'est imprimé un peu. Peut-être que ça fait un bout qu'elle ne l'a pas vu. Puis, elle lui demande également, à un moment donné, de lui renvoyer toutes ses photos d'elle, parce qu'il n'a même pas le droit de conserver des photos maintenant qu'ils ne sont plus ensemble. Donc, on passe ça de ce pas. Alors, voilà. Donc, évidemment, c'est une chanson country, ça ne peut pas être autrement que ça. On écoute ça tous ensemble. C'est bien Jenny qui embarque ici là, dans quelques secondes. Cher détenu, je tremble en t'écrivant. Cher détenu. Car sur cette lettre, je dois t'apprendre que je rencontrerai. Et voilà. Il est déjà en bas, il est déjà dans, là, il est en prison. Tu as rencontré un autre homme. Ah, c'est ça, il y a un autre homme dans ta vie. Qui sait très bien la comprendre. Là, après ça, bon, là. Ça raconte ce que je vous ai dit. Après ça, on va voir Gaétan Richard qui lui embarque dans un bout de parler où il raconte la fébrilité de recevoir la lettre et la déception de la lire finalement. Comme dans le rappel featuring the rapper. C'est ça, exact. Featuring Gaétan. Oh. Ça va embarquer là. Car sur cette lettre, je c'est pas facile. Lorsque j'étais prisonnier, et voilà, j'ai reçu une lettre de ma belle. Très bien, me j'étais parle par profil à elle, du pénitencier. Et qui adore. Si anxieux d'avoir de bonnes nouvelles, j'ai dû la lire en pleurant, car elle me disait tristement. Et voilà, c'est la poésie. Là, il y a le beau parler de la fille maintenant. C'est beau. Ah, elle ouais, lui redemande ses photos. Freestyle. Maintenant, elles sont à Mario. Les photos sont maintenant à Mario. Qui dit mes mains follement. Nous, mon hypothèse, c'est clairement que le nom Mario a été choisi juste parce qu'il y avait une photo. Ouais, ouais. Mais lui, il a un vrai nom, Mario, contrairement à celui de détenu, détenu numéro 38-14. Donc voilà, donc ça c'est Jenny Fontaine et Gaétan Richard, la toune qui a démarré ma très longue carrière à 70%. C'est vrai. C'est avec vrai. Ça que j'avais ouvert ça. Ça fait 4 ans. Ça fait, c'était quelque part en 2008, c'est même peut-être. Ouais, ouais non, 2008. Quelque début, chose de même. Début 2008. Ouais, ouais, dans ce coin-là. Presque 5 ans. Fait que, donc oh. Voilà, je l'arrête déjà. Je l'ai déjà rejoué plusieurs fois parce que vu que c'est la première, c'est spécial. Après ça, plus tard, j'ai également j'ai la dernière chanson que j'ai faite jouer à Choc FM. Donc Choc FM qui appréciait énormément le style musical que je faisais jouer, qui me le répétait constamment, il m'écrivait des lettres, là, tu me disais c'est vraiment super, particulièrement cette toune-là, cette toune-là, cette toune-là. On a vraiment beaucoup aimé ça. Donc la dernière, puis en plus c'est un peu prophétique, la dernière toune que j'ai faite jouer à Choc, à ce fameux épisode que d'ailleurs vous ne pouvez plus entendre parce qu'il a été même enlevé des archives. Ah, mais l'épisode maudit. Pas nous, on l'a, mais. L'épisode maudit. Ça terminait avec ceci. Donc, c'était un épisode de Noël. Donc, évidemment, j'avais terminé avec ici French Champagne. Il chantait en disco. C'était magnifique Noël disco. C'est sur l'album Christmas and New Year's Eve Disco Dancing Party. Pardon, excusez-moi, Non-Stop Christmas oh. And New Year's Eve Disco Dancing Party. Pendant une semaine, ça a plus de sens comme ça. Ouais. Donc voilà, French Champagne. Donc, je chantais ça. J'avais terminé avec ça en disant, j'avais même fait un jeu, j'avais dit, l'année prochaine pour Noël, je veux une console auxiliaire pour plugger mon ordinateur, donc il fallait mettre un micro dedans. Et c'est ainsi que notre relation s'est terminée à Choc et moi. Depuis ce temps, je ne sais pas si eux ils ont une console auxiliaire, mais moi, j'ai... On l'a souhaité. Voilà. C'est pas vrai. Je peux y retourner, ouais, mais pas de la même façon. Donc, voilà. Donc, c'était la chanson « Ce n'est qu'un au revoir » qu'évidemment, on mettait parce que c'était le dernier épisode de l'année. On ne savait pas à ce moment-là, puis on partirait vers d'autres aventures. Ben oui. C'était ouais. Et voilà. Puis après ça, bon, on est parti de là. On a fondé Douteux.tv, donc ça a pris à peu près 10 mois, 11 mois faire ça, arranger comme monde assez pour pouvoir démarrer. Et la première toune que j'ai fait jouer dans les studios de Douteux.tv, c'était lors de mon spécial d'Halloween, de l'Halloween dernier, parce que, et oui, ça fait un an déjà que Douteux.tv existe. Hey, l'autre ah oui, occasion oui, à c'est vrai. Et voilà. Ah oui. Bravo à Simon Préjean, oui, oui. Les Milans. Qui ont travaillé fort. Dans l'ombre, souvent. Dans l'ombre. Dans l'ombre, oui. Ouais. Alors, ça fait de l'ombre parce que tu peux te péter la gueule partout quand t'es dans l'ombre. Oui, tu cognes un orteil sur un coin de table, ça arrive. Tu peux travailler dans l'ombre. Oui, surtout, mettons, le téléphone sonne, là, tu te dépêches. Ah oui. Ah bon, oui. Fait que là, c'était un spécial d'Halloween, donc, fait que la première tune que j'avais fait jouer, c'était... c'était assez plate, vraiment pas intéressant, mais c'est ça. C'était ceci. Skeleton Dance par Music for Monsters. C'était, ah pour oui, c'était dans ton trip de cassettes qui font des bruits de l'Halloween. Oui, exact. J'ai fait le problème, je l'ai repris à un moment donné, mais c'était le top 10 des meilleurs bruits oui, d'Halloween. Mais on avait commencé avec ça qui amenait le theremin et sa présence dans les tunes d'Halloween. J'en ai pas. C'est comme des armes. C'est pas un moyen de communiquer. Le theremin, tu y touches pas pour en jouer. Les lignes, justement, c'est les armes. Transporte le ton touché jusqu'au son. C'est bien connu. C'est bien. Fait que ça, c'est un spécial d'Halloween. Mais ma première vraie chronique, ça a été la chronique dans 70%. La première fois que je suis revenu à 70%, c'était au deuxième épisode. Parce qu'au premier épisode, ça tombait un 31 octobre. Puis moi, j'ai un enfant. Fait que le 31 octobre, je passe l'Halloween. Quand je suis revenu la semaine d'après, la première toune, puis ça, je ne m'en rappelais plus. Il a fallu que j'aille checker les archives parce que j'avais plus la playlist. J'étais content de découvrir que c'était une chanson de Wing. Donc voilà, je démarre ça ici. Wing. La chanson Safe Computer. Ah ouais. Faites du rap. Computer sing. Computer swing. Oui, bon, salut. Salut. Salut, oui. J'écoute de la Nouvelle-Zélande. Computer walk. Ben oui, ça n'avait pas été facile. Ça avait pas Ne bouge jamais à cette chanson-là, c'est celui-là, c'est bien ça. Computer won't walk. Yeah, let's go. Wiki, wiki, wiki, wiki, Wikipedia. Oh. Wiki, wiki, wiki, wiki, Wikipedia. Wiki, wiki, wiki, Wikipedia. Donc voilà, Safe Computer. Et la pochette de Safe Computer, c'est un ordinateur qui semble extrêmement récent. Bel ordinateur avec... qui a l'air plus d'une TV que d'un écran. Et sur cet ordinateur-là, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a deux lecteurs de disquettes et c'est les deux des 5 pouces et quart. Donc, ça n'a pas l'air récent, ben. Ça veut dire que cet ordinateur-là est plus vieux que la majorité des personnes qui nous regardent. Qui nous regardent en ce moment, oui, certainement. S'il y a deux disques, deux lecteurs 5 et quart, il n'y a probablement pas de disque dur. Je m'avance jusqu'à 10. Oui, c'est ça. Oui, on boutait sur DOS sur une des disquettes, puis on avait l'autre disquette pour loader des programmes. C'était le bon temps. Ça me rappelle le bon temps. Le bon temps. Merci beaucoup, Étienne. Ça finit ton premier bloc, ça? Oui, c'est mon bloc rétrospective, là, rapide. Après ça, je vous reviendrai avec un quiz pour voir ceux qui écoutent bien mes chroniques depuis le début. Oh! C'est bon, ça. J'aime voilà. Ça. Moi, tu testes tes espèces de... Je teste mes... Oui, exact. On va ouvrir les lignes, les gens vont pouvoir... Ça va appeler par millions. Ouais. Moi, j'adore ça quand tu fais ça. Là-dessus, on s'en va... À nouvelle. On s'en va à nouvelle, ben oui. Emmanuel Bruno Corbin. Ben oui, bien sûr. Alors, pour le 250e épisode, j'ai décidé de faire une rétrospective des deux fois que je suis venu faire des nouvelles. Ben, ah, c'est excellent. Faire un medley de mes meilleurs. C'est bon, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Non, la semaine passée était excellente. J'espère que ça va être ceux-là. Alors, non... On commence tout de suite en force avec une histoire d'amour. Lorsque Martin Douglas a rencontré par hasard son ancienne copine Maria Topp, il a décidé de lui donner une deuxième chance. Leur histoire s'était terminée sur une note plutôt négative, alors que Maria Topp s'était vue décerner une injonction de la cour pour avoir arraché les testicules de Douglas avec ses dents. Ouais. Les médecins ont depuis recollé le scrotum endommagé par cet incident fâcheux dont Topp, la dame, prétend ne pas se rappeler, l'alcool étant mis en cause ici. Après 4 mois d'une relation plus platonique, on comprend l'hésitation de Douglas de passer à l'étape suivante. Ben oui. Il a décidé de terminer la relation, mais selon ses propres termes, cette fois, en appelant les policiers pour leur dire que Maria Topp avait violé l'injonction en entrant en contact avec lui. Elle a donc reçu une amende. Ça suivant. Fait qu'il a donné une deuxième chance. Il a vraiment plus ses couilles. Oui, oui. Ouais. elle se plaint du geste, disant « Je ne pensais pas qu'il ferait une telle chose. C'est un couteau dans le dos. » Pas tout à fait œil pour œil, dent pour dent, mais c'est un début. Oui, en tout cas. Je pense que c'est encore un zéro pour elle. Oui, c'est exactement. Mais le gars, il a donné une deuxième chance. Là. À quel niveau de désespoir... C'est quoi, il était recollé. Pour ne pas te trouver un autre fille. Dans un bon exemple de candeur, Alex Robinson d'Aurora, en Illinois, a été arrêté après avoir amené de la cocaïne au tribunal. Il se rendait en cour pour violation d'une probation qu'il avait reçue en 2006 suite à des accusations de trafic de cocaïne. Après avoir déclenché le détecteur de métal à l'entrée du tribunal, il s'est vidé les poches dans le récipient prévu à cet effet, y déposant, entre autres, un sachet contenant 3 grammes de cocaïne. Le lieutenant-shérif du comté de Kane, Patrick Gengler, explique que Robinson s'est immédiatement rendu compte de son erreur et a tenté sans succès de fuir les lieux. Il rajoute, c'était comme « Oups! » Il ne voulait pas déposer la drogue dans le panier. Ben oui, mais bonne là idée. Dans ton nez, au pays, voyons! Laisse-la dans ton 3 grammes d'une shot, c'est long. Ben, ouais, c'est 3 grammes pour aller là. Non. Non. Regarde, vas-y. Non, mais je peux passer tout de suite. Si on saute à la dernière nouvelle pour Simon Prêtre, ça va être la 6. Si tu veux un voleur de dépanneur, ça se rapproche. Personne n'est à l'abri d'un épuisement au travail, hein, pas même si votre métier est plus ou moins légal. Christian Villarreal Castillo a pris à la dure lorsqu'il s'est fait réveiller par des policiers alors qu'il dormait sur le plancher de la cuisine d'une résidence du comté de Washington, en Oregon. Il avait commencé à cambrioler la maison un peu avant les 5 heures du matin, avant de décider de faire une petite sieste.

tout le monde. Alors, mon nom est Mario Bélanger. Vous écoutez présentement 70% douteux à Choc FM. Est-ce que vous avez aimé ça, la chanson sur la disparition la plus importante de l'histoire du Québec? Oui, oui. Cédrica. Moi, je me demande si Cédrica a lâché finalement. On prépare un film là-dessus. Cédrica, est-ce que tu as lâché? S'il te plaît, contacte-nous. J'espère que non. On t'en souhaite. On a entendu chanson-là à la radio par hasard. Ben oui. Puis ça lui a donné le goût de se raccrocher à la vie qui restait d'esclave sexuel à Valleyfield. T'as choisi Valleyfield. Au hasard. Totalement au hasard. Là-dessus, on est très content d'accueillir ici notre ami Jonathan Levert. On vient d'écouter le teaser de ton tout dernier, en fait, c'est ta production à toi, parce que tu as fait d'autres affaires depuis. Ben, c'est ton dernier film à toi. C'est le dernier court-métrage. Ouais, ton dernier court-métrage. Il y a eu beaucoup de collaborateurs sur le projet, là, mais ouais, c'est le dernier projet qu'on a, qu'on a réalisé. Le court-métrage, 15 minutes de fiction, post-apo. C'est quand même assez réaliste comme film, là, mais ouais, c'est ça, on a tourné ça dans le cadre du festival de cinéma à Val-d'Or. Fait que, ouais, ça a été présenté la première le 8 septembre. Puis, depuis, c'est l'explosion. Ah oui, puis on va l'avoir juste après l'émission ce soir, on va l'avoir en primeur et one shot only parce qu'on ne mettra pas en archive parce que bien sûr, tu essaies de diffuser au travers des festivals et des festivals qui existent encore de cinéma et des choses importantes. C'est une grosse guéguerre, fait que souvent, mettons qu'un film se retrouve sur Internet et tu l'es passé ou si tu es diffusé dans tel festival, il ne passe pas. Ça marche de même. Ouais, c'est le fun de savoir que ça marche de même. Ah ouais, t'étais pas au courant que la culture peut se manger. La beauté de l'industrie. Hein? Ben, s'il va les choses. Mais sinon, projet de documentaire du 2.1, j'ai entendu dire que tu flottais là-dessus. On commence tranquillement pas vite. On a commencé à filmer l'année passée sur le projet. Puis là, on va prendre le temps qu'il faut pour réaliser, mais on documente un peu là, des événements principaux. Là. On va filmer la foire, puis on va essayer de faire des entrevues aussi au travers de ça, avec du monde en dehors du regroupement aussi. Là, c'est la place du doute dans la société, je pense que c'est important d'amener ça un peu. Du fait qu'un festival ne peut pas diffuser un film à côté sur Internet. Exactement. Par exemple, on prend ça au hasard. Demain. Ça aurait pu être d'autres choses. Le doute en culture, ça nous touche. Merci Jonathan de t'être déplacé et tout. En fait, tu es surtout ici pour nous présenter le court-métrage qu'on va voir tantôt. C'est le premier, à ma connaissance, c'est le premier court-métrage. En fait, c'est le premier film abitibien post-apocalyptique. Ça a été tourné tout sur place en Abitibi. Dans des affaires impossibles, est-ce que tu as des anecdotes de tournage en particulier? Oui, plusieurs. Non, mais je vais m'en raconter. Peut-être sur une en particulier, ce qui est intéressant aussi en Abitibi, c'est que tu peux trouver des décors naturels quand même assez intéressants à proximité. Fait que c'est facile en un ou deux jours de tourner quand même beaucoup de scènes dans beaucoup de lieux. Puis, mais ce qui m'a jeté le plus à terre, en fait, c'est la flamme de mine, qui va te souvenir très bien. Oui, c'est débile. Qu'on a vu d'ailleurs ici à du 2.tv également. Exactement. Paysage lunaire impossible, la terre qui doit être perdue. Parce qu'il y en a plusieurs, la petite vie, c'est ça, quand j'ai jamais deux jours la trouver, celle-là. Ouais. Quand je suis arrivé là-dessus, je suis cul, là. Ouais. Tout le monde passe un désert de sel ou on est allé à Salt Lake City. Là, que c'est naturel, non? Ouais. Ça ne peut pas être gros de même que ce soit des hommes qui aient fait ça en dedans de 50 ans. Mais c'est ça qui est arrivé. Exactement. Donc, ça a été une belle fin de semaine de tournage avec. Mais tu peux te dire aussi que tu as tenu un rôle dedans. C'est vrai, je suis dedans. T'es un zombie? Non, mais c'est pas une femme fertile. Fierté d'être le héros dans le premier film post-apocalyptique. Ben non, j'avoue. Ça habite bien. Merci de m'avoir sélectionné. Je ne l'ai pas encore vu. On va le découvrir juste après le 70% qui s'en vient. J'ai bien hâte d'écouter ça, Joe, en tout cas. Puis, écoute, je souhaite que tous tes succès du passé ne soient qu'un pâle reflet de ce qui s'en vient dans ta carrière future. Mon Dieu. C'est pas un domaine facile que tu es en train d'attaquer. Non. Comme le vôtre. Puis hein, en passant, félicitations pour votre 250e émission. C'est à soi, c'est là, c'est là. Merci. T'es dedans, là, t'es dedans. T'es même très, très dedans. Puis t'es tellement dedans que tu vas pouvoir assister à mon petit speech. Il y en a plusieurs qui me connaissent et puis je deviens rapidement émotif quand je parle de ces affaires-là. Puis on est là, tu sais, on ne passe pas 40 heures par semaine sur un projet bénévole sans avoir des trips à mettre ça à slate. Bien dit. Les choses, les gens. Donc, on a décidé de fêter la longévité de 70% en un show prétexte pré-enregistré. C'est mon premier avis. Je pense que j'ai même déjà fait deux pratiques générales de quoi que ce soit. Ce fait que je suis sûrement à côté de vous, de ce bord-là, en train de m'écouter parler. Salut, Tommy! Non, reste poli. Là. Cette fois-ci, mon discours de célébration se nomme « Laisser un radical s'exprimer et tenter de comprendre ce qu'il veut dire, c'est la meilleure manière de ne pas être radical. » Tout d'abord, laisser s'exprimer, ça ne veut pas dire donner raison ou changer ses valeurs. Ça veut dire écouter et laisser à l'autre le temps et la possibilité de vider son sac. Tout le monde a raison quelque part. Pas toujours de la bonne manière et pas toujours en utilisant des mots qu'on comprend au départ. Ou tout le monde peut changer d'idée. Mais il est un exercice très formateur qui se nomme l'empathie, qui consiste à comprendre les émotions de l'autre sans les appliquer à sa personne. D'autant plus que c'est très bien pour l'imagination de vivre les convictions des autres au travers de ses émotions, de ses propres filtres. D'où le « comprendre ce qu'il veut dire » dans le titre de mon speech. Car pour comprendre ce qu'il veut réellement dire, il est important de questionner le sens que l'interlocuteur porte à ses mots et le sens que le récepteur applique à ses mêmes mots. On ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde comprend le dictionnaire de tout le monde. C'est un processus qui demande patience et, c'est mon secret à moi, beaucoup d'humour. Encore ici, la beauté de l'humanité existe dans la variété de ce qu'elle fait vivre. Je dis le mot « arbre », incluant le prétentieux dans le fond de ce bar-là, là, qui devrait se remettre au sport et qui est maintenant 24 heures différent de moi. J'ai aucune idée de la forme que prendra ce mot dans votre esprit. Le mot « arbre » est un consensus qui s'étoffera éternellement si on le laisse exister à tous les niveaux qui lui sont possibles. Alors imaginez, un mot « arbre », c'est simple, mais comment ça peut devenir compliqué pour des mots comme « anarchisme »,« cadeau de Noël fait en Chine »,« femme » et « combien les consensus possibles sont variés ». Ensuite, si on remplit les conditions d'avoir mis au clair les quelques mots qui cochaient, d'avoir bien établi la portée que l'autre et chacun voulait apporter au mot choisi, on peut prendre une décision morale, utile, intelligente et, encore une fois, sujette à révision. Et quoi de moins radical qu'une opinion morale, utile, intelligente et capable d'être remise en question? Tout comme pour le sexe, on nous dit qu'il faut appliquer l'abstinence, qu'il faut s'abstenir de juger, comme il faut s'abstenir d'avoir du sexe. Parce que s'abstenir de tout jugement, c'est contre nature, à mon sens. Moi, comme pour le sexe, je propose plutôt d'apprendre à pratiquer la manière adulte. Qui, ici, à part le barbu là-bas, parce que sa réponse ne m'intéresse pas, là, qui, ici, se vante de ne pas juger? Moi, je vous dis que juger, c'est très bien. C'est même un réflexe indispensable à la survie. Ce que je rajoute, par contre, quand que je vous dis que juger, c'est bien, c'est que de prendre à quelconque moment notre jugement envers quoi que ce soit, parfait et définitif, mais ça s'appelle un dogme. Puis t'es pas loin de croire que Dieu a demandé à son bras droit d'aller violer la femme d'un gars lors de leur nuit de noces, mettons. T'es pas loin, ça. Ouais. Bon Dieu, pas fou dans le fond. Ça, c'est vrai, par exemple. Jugez tout et tous, mes amis, mais acceptez l'humilité qui doit venir avec tout jugement. Le mandat fondamental de notre organisme en est un de variété et de responsabilisation culturelle. On dit qu'il vaut mieux laisser le temps et le public décider de la validité d'une œuvre et mettre de côté les efforts du créateur et de son distributeur pour tenter de faire avaler ce qu'ils veulent. Il existe des entreprises sur YouTube à laquelle tu peux acheter des votes pour que tes clips montent dans les ratings. Est-ce que vous avez l'impression de vous faire fister un petit peu? Non. Toi, ta gueule. On en revient à notre événement semi-spécial, 250 émissions 70%. Avec une moyenne de plus d'un invité par épisode et des grosses têtes comme Gérard Larose, Jonathan Levert, Pierre Chastenay, Planétarium, Pierre Brassard, Justin Tachereau, Stéphane Bureau, Philippe Schnob, l'inénarrable géant, on peut dire que j'ai interviewé pas mal de personnes différentes ces 8 dernières années. Et avec regret, je suis obligé de mentionner que moins de 0,5% de ces personnes interviewées jouaient à Magic. C'est vrai que c'est pas arrivé souvent. Hein? Enfin, ma première entrevue, c'était celle qu'on a écoutée juste avant, c'était celle du Roi Enoch. Moi, avec le roi Enoch en novembre 2004, depuis ma toute première entrevue, j'ai su exactement pourquoi j'aimais cet exercice-là et avec qui j'aimais faire ce genre d'exercice-là. J'ai tout le temps placé la sincérité de la personne interviewée bien plus importante. En fait, je trouve que c'est plus révélateur une personne sincère que le sujet qu'on aborde. Je trouve que les personnes qui acceptent de sortir de leur rôle de personnage public sont tout le temps plus plaisantes à avoir en entrevue. En somme, variété, sincérité. Et 70%, ça aurait été pour moi le plus beau des terrains de jeu, ou développer des relations sur ces valeurs qui me sont fondamentales. Forest, Boris, Israël Trudel-Denis, Jean-Patrick Berthiaume, Benoît Poirier, Bruno Corbin, Simon Préjean, Benoît Mercier, tellement de noms qui me sont indispensables et qui sont entrés dans ma vie par cette porte. Un salut spécial à Simon-Pierre Bilodeau et au prof Sommerstein, deux gars que je n'ai jamais mystérieusement croisés dans la même pièce au même moment. Étrange, ça. Non, j'ai rencontré Simon Chénier avant, via Red Brown et Nan Arland. Occupe toutes tes enfants. Ah, il est fatigué, là. Ouais, un peu. Jadis et encore, 70% était ce qu'il nous fallait pour mettre le mouvement en marche. On a même monté d'un niveau pas mal imposant dernièrement depuis nos premiers shows à radio dans la cave à Choc. Avec douteux.tv, qui fête sa première année, c'est Halloween, on repousse encore nos limites de ce qui composait notre rayon d'action. Maintenant, on ne fait pas un show, on ne fait pas qu'un show auquel tout le monde est bienvenu. Maintenant, on peut étendre le privilège d'avoir un show auquel tout le monde est bienvenu à n'importe qui veut s'impliquer. Ces personnes, en ajoutant la variété de l'expérience de douteux.tv, premier canal de TV web québécoise live tout le temps, je vous le rappelle, rajoutent à la banque du possible de l'humanité, à notre banque de données, puis... Douteux.org et Douteux TV sont le contraire de la pensée radicale car ils promeuvent la variété en ne censurant personne. Et s'il y en a un seul qui croit que notre idéologie n'est pas celle du doute humble, celle de la saine remise en question et de la digestion des gaffes par le rire, ces personnes se seront lourdement trompées. Et si quiconque croit que notre agenda de liberté d'expression véhiculé par une variété de contenus sans précédent, et je le dis fièrement, se rapproche d'un quelconque courant radical, ces personnes se sont lourdement trompées. Au final, se souvenir du nom de quelqu'un est la décence minimum qu'on devrait tous viser, plutôt que le standard actuel que je décèle chez mes compatriotes et qui se résume à peu près au fait que tout le monde se vante d'être pourri pour se rappeler des prénoms de tout le monde. Paresse générale, apathie communautaire, je te bannis grâce à ce petit exercice. Lorsqu'appliqué et pratiqué, vous permettra de vous souvenir de tous les prénoms, ou en tout cas d'être bien mieux que votre situation actuelle qui dit « Ah, moi, je me souviens d'aucun prénom. » J'ai déjà appris en une soirée les prénoms de 150 personnes. Fait que... T'es capable donc, à la maison. Ben, c'est ça. Prends des notes à la maison. J'ai raison en repos. Hein, c'est ça. Donc, c'est trois étapes faciles. Un, tu regardes la personne, tu lui serres la main en la regardant dans les yeux et tu répètes son prénom. Deuxième étape, en dedans de 30 secondes, pose une question à cette personne-là en commençant ta question avec ce prénom. Et la troisième, l'étape la plus difficile, en laissant de 1 à 2 minutes de délai, ne faites que répéter son prénom en l'air à quelqu'un au sac de chips, à lui au pire, ou à ta divinité préférée. Comme je suis sûrement encore plus tanné que vous l'êtes de m'entendre parler, sauf les justifications pseudo-scientifiques qui viennent avec ces étapes-là, ben, testez-les chez vous, vous allez voir. Une dernière phrase, deux points. Du fond de ce qui fait ce que je suis... Non. Du fond de ce qui fait que je suis quelqu'un... Merci. Là, on va s'en aller écouter une affaire bien spéciale. Ouais. C'est quelque chose que j'ai découvert sur E-Mule dans le temps, en 2002, que je commençais à monter une base de clips. Faire ce qu'on est en train de faire là, 10 ans plus tard. C'est le bon temps, ça, E-Mule. Oui, E-Mule, c'est le bon temps. C'était facile. Je downloadais tout ce qui était 4 minutes et moins en durée. Je faisais le tri dans le porn. Ouais. On va regarder ici l'Espagnol très gay qui nous fait une chanson avec des sorts de laser de l'espace. Vous êtes à 70% pour la 250e fois. que vous êtes là pour y rester. Mademoiselle Sherwood, je suis un employé de la municipalité. Et le vôtre est ouvert? Ça, je vous assure que oui. C'est ça. Hein? J'ai rien vraiment à dire là-dessus. Là. C'est bon. Moi, la première fois que je me suis rendu compte, tu sais, de ça, du doute, c'était en fait quand j'écoutais le film Le Corbeau 2. Ouais. Bon choix. Il y a quelque chose qui a popé dans ma tête. J'ai pris la cassette, je l'avais louée. J'ai pris la cassette, je l'ai mis sur mon vidéo. J'allais faire autre chose. J'ai pas été capable. C'est ça, c'est comme un choc. Tu l'as mis dans ta face pour apprendre à vivre avec le défi. Tu savais qu'il fallait que tu l'aies. Voilà, voilà. Comme, mettons, taguer la photo du violeur de fille, de tombeur de policier. Oui, oui. Je tag ça, moi aussi. Fait que non, mais cette semaine, je vais te parler de mon fils, parce que je sais que vous appréciez mon fils. Ouais, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Ouais, ça fait longtemps, mais c'est parce qu'il était parti. Et voilà. On est qui aime bien, châtie bien. Ouais. Fait que fiston qui était parti en... Mais non, mais... Fiston... J'avais jamais réalisé. C'est fiston. Il était parti en camp. De vacances. J'y avais payé ça pour sa fête. Hein? 6 mois dans une ancienne base militaire convertie en base de plein air. Ou le contraire, là. En tout cas, je vais checker ça. Petite annonce que j'avais trouvée sur un site russe. Tu sais, les sites russes, c'était le site, c'était killjustinbieber.com. Ah, je sais pas point si... Ouais, point RU. Mais c'était hébergé aux États-Unis. C'est un crise de beau site. Puis il était content, là, il avait la tête basse, il tremblait. Tu voyais qu'il s'imaginait déjà en train d'apprendre le tir à l'arc, le canot, hein, la pose de mine antipersonnelle. Tout ce qui fait de toi un être humain autonome. Puis d'ailleurs, parlant d'autonomie, à cette heure, je laisse la porte de sa cage ouverte. Ah, c'est bien ça. Grande étape. C'est important dans l'étape de développement de ton enfant. Ben. Il a le droit de se promener dans les pièces qui ne sont pas barrées. On joue à si je te pogne, je te fesse. Pour développer sa capacité à se fondre dans le paysage. T'sais. J'avais lu ça dans un petit livre. Là. J'ai trouvé ça sur un site coréen. Là. Comment fabriquer une machine à tuer pour les nuls. C'était le chapitre 3, l'art ancestral du ninja. En tout cas, c'est une bien belle lecture. Parlant de lecture, hein? Je me suis mis à lire. Moi, j'ai toujours pensé que c'était fif, lire. Oui, c'est vrai que ça l'était un peu quand même. Ben, pas tant que ça, j'ai trippé, puis je suis pas fif. Non, ça, c'est clair. Fait que je me suis tapé le dictionnaire au complet la semaine passée. Ah, ouais, constamment. Ben, je voulais commencer relax. Je me disais que des mots tout seul, c'était comme plus facile à comprendre. Que des phrases, c'est vrai. Et voilà. Il y en avait pareil, je me suis fait fourrer, mais c'est ça, l'écriture, ça a de l'air. Il y a beaucoup de définitions. Hein, et voilà, mots, c'est ça. Je ne suis pas trop caché de quoi qu'il me parlait. C'est un peu lourd, ce bout-là. Même quand je suis rendu au mot histoire, j'ai rien compris. Fait que, parlant de comprendre, mon fils, il sait hein, qu'il ne faut pas écœurer le monde avec des ostiniaiseries. Ça, c'est une affaire, c'est très tôt, parce que sinon, si ça vire. Si je te fesse, ça doit être ça... une bonne manière. De... Sinon, ça finit plus. Oh, oui. Ben, tu sais, comme disait mon grand-père, là, tu restes drette, tu fermes ta gueule, puis t'as pas envie de pisser. Christ, Christ, t'es en train d'attendre dans une file pour un show d'Éric Lapointe. Ben ouais. T'as rien qu'à le dire si tu veux que papa ait pas une vie. Maintenant. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Puis dans ce temps-là, ben, moi, j'avais arrêté de fumer. Puis t'es plus nerveux quand t'arrêtes de fumer. Ton corps est tout croche. T'as mal à la tête, t'es maux de cœur, des pertes de conscience. Ben, pour les autres autour, là, les pertes de conscience. Parce que t'as le goût de fesser. Quelque part, d'arracher des cœurs, de crisser le feu partout. T'sais, rentrer en contact avec la matière. Ouais, okay. C'est important. Tu peux pas... Parlant de rentrer en contact avec la matière, l'autre jour, je me suis gelé à la face. Moi, j'aime ça dans d'autres. Ce que j'aime le plus, c'est me geler, c'est être gelé. Ouais. Marcher dans les sons puis jouer de la couleur. C'est le bout de la Parce que parle-moi pas de fuir mes problèmes. Là, où, non. Moi, ce que je veux, c'est me chier dessus dans la rue après 17 buvards. Puis d'essayer de me battre avec la petite Calinos qui m'a vendu de la petite marde qui gèle pas. Ouais. Surtout lui. Oui, Dragonos, je pense. Ouais. En tout cas, il y avait comme un buvard sur son ventre. Pas une espèce de carré rouge. Pas trop catché. Garnotte de la dope. Ah ouais, il y a ce petit crise-moi en plus. En tout cas. Puis je peux, ben là, je peux pas te parler de mon fils hein, sans te montrer des photos de mon fils. Hein. Fait que, c'est vrai, ça c'est cute à moment-là. Ça, fait que moi j'en ai amené une coupe, mais j'ai fait ça vite, fait que je suis pas trop sûr. Tu sais, des fois on fait des affaires pour se débarrasser de la vie. Hein? On botche. Fait que la première photo, je sais pas si tu peux nous la montrer. Oui. Première photo. Et voilà. Ah, fait que, avec son animal. Ça, ben oui. C'est lui à sa fête l'année passée avec son petit manteau à genoux à côté du chat que j'y ai acheté. C'est bien de l'intéresser à un lien avec l'animal. C'est important, un lien avec l'animal. Il a vraiment l'animal. Des yeux. Hein? Il a les mêmes yeux que moi. C'est beau chez vous. Mm-hmm. En fait, il a les yeux de ma femme. Ah, on n'entend pas parler souvent. De... Ah, ouais. Attends une minute. Après ça, ben, la deuxième photo. Je sais pas si on peut mettre. Ça c'est moi. Hein? J'ai sûrement, ben, comme je t'ai dit, je suis allé vite tantôt. Fait que, ah, ça, okay. C'est moi quand j'étais jeune. On était au chalet avec mon père. Il nous emmenait souvent au chalet. Là. Je sais pas, le monsieur était super gentil. Il s'appelait Desmarais. Une troisième photo, je sais pas si on peut voir une troisième. Ah, et voilà. Ben la troisième photo, ça c'est lui, ça, par exemple. Ça, c'est dans sa cage de voyage. Avec son ami. Ou... Avec un de ses amis disparus. Okay. De voyage. Un de ses amis disparu. Ah oui? Hein? Il aime ça. Lui, il adore ça, jouer à ça. Ah oui. C'est, ça rappelle des souvenirs. Ben oui, ben c'est ça. J'y amène un ami, tu sais, puis ils jouent une couple de jours ensemble, puis après ça, whoop, il disparaît. C'est, ben lâche pas. C'est le fun. La quatrième photo, je sais pas si... Ah ben ça, voilà. Tu veux, regarde, ça c'est la même chose, mais avec une autre sorte d'ami. Oui. Bien. Mais ça, il aime moins ça. Il dit que c'est plus facile d'arrêter de souffrir de la perte d'un animal. Fait que la cinquième photo, je sais pas si... Ah, ben regarde, c'est sûr je me suis trompé de dossier, mais c'est pas grave, je suis fier pareil. C'est l'année passée, quand je l'ai inscrit à des cours de combat ultime. Puis là, ben, je mets des parenthèses à ultime, tu sais, parce qu'ils n'ont pas le droit de tuer là-dedans. Ouais. C'est fif un peu. C'est un c'est peu doux. Fif. T'sais. C'est doux. C'est pas si ultime que ça. Ben, il avait gagné. Cette journée-là, il avait gagné. On est allé. Les affamés juste assez. Ouais, ça marche. Ok, fin un peu. Ah ouais, il avait gagné le combat d'aplomb en plus. Puis on était allé manger une crème glacée, tu sais, puis il saignait du nez. Esti, tu sais, une vraie sortie, père-fils. Ouais. Comme on les aime, on a trippé. Je sais pas si la sixième photo, peut-être la dernière photo que j'ai amenée, j'ai fait ça vite. Je sais pas, c'est vrai. Ben, as-tu vu, j'ai pris le dossier cage. Ah, ah ben voilà. C'est ça. Fait que, j'ai pas grand-chose à dire sur Nicolas Cage. Je donne l'autre des photos de célébrités, des fois, faire du chantage, j'aime ça. Puis, c'est ça, la vie comme prier, c'est des souvenirs de famille. C'est ça, un peu, la meilleure façon. Ton diaporama de ta famille, puis tomber sur Nicolas Cage. Comme ça, comme ça. Toujours le fun. Ouais, c'est ouais. Ça, ben, c'était dans mes photos, poterie. En terminant, hein, en terminant cette semaine, mon fils s'est fait frapper par un char. Ah. Oh. Non, mais il vient. C'est un peu plate. Il vient de revenir de vacances, il est tout content. Ouais. Deux jours après, paf, un char, il rentre dedans. Techniquement, c'est le chauffeur qui est dans le tort. Ça, c'est clair. Mais tu sais, c'est comme j'avais dit. Il me dit, si tu sors du terrain, le char de papa va te poncer dessus. Il est averti quand même. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait cette semaine. Grosse semaine. Les meilleurs cages sont dans nos têtes. Ouais. Mathieu, merci bien gros. Ça m'a fait plaisir. Merci. Toujours sympathique. Année, là, mais t'es une bonne, recrue une belle de l'année. Année. Tu viens de planter Julien Bernatchez, qui était recrue de l'année depuis 3 années. Alors, on va voir. Il commence à se faire mieux. Avant d'aller au deuxième volet de ta chronique, oui. J'aimerais pouvoir appeler à notre conseiller technicien là-bas qui est dans la régie et écouter les 3 clips que j'ai découpés d'une émission très particulière de 70% qu'on a eue au début du mois de janvier passé. Géant, encore une fois, encore lui, est venu nous chanter l'hymne national canadien, la bouche pleine de jujubes. Quand que je raconte ça aux gens, ils me disent, voyons, t'es malade, ils n'oseraient jamais. Il aurait osé. Et juste avant, on a 2 questions posées par Fred, vous allez voir, c'est de toute beauté. Puis on vient juste après à 70% pour la deuxième partie de la chronique de notre ami Étienne Forêt. Est-ce qu'on me fait signe que ça va y être, puis que ça va être ça correct? Il me fait signe que tout va bien. Est-ce que je l'aime, excellent. Dieu. Dieu, il est partout. Hein? Quand t'es la personne à qui je pense, je t'aime en crédit. Sinon, on va chier solide. À 70%. Deuxième question. Géant. Oui. Est-ce que tu joues à A, Magic, B, celui qui pisse le plus loin, C, je joue pas, je compétitionne, le deuxième, c'est le premier perdant, ou D, tant qu'on m'explique, je veux bien essayer. Tant qu'on m'explique, je veux bien essayer, parce que Magic, ça me dit vraiment rien. Tu joues pas à Magic. Tommy m'a posé la même question le soir de la représentation, et je sais pas c'est quoi Magic. Je suis désolé, les gars, de vous décevoir. Non, non, excuse-toi pas à moi. Moi, je suis bien content que tu connais pas Magic. Excuse-toi pas à moi. Il est content. Moi, il apprend à jouer, Predge. Fais pas ça, on va le gâcher. Oui, c'est ça. Troisième question. Tu vas fermer ta gueule! Avec plaisir, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à Géant. J'ai plein de sabots de vache sucrés ici. Là. Et puis ça, ce qui est pratique, c'est que c'est à saveur de fruits. Si t'en manges assez, ça compte comme une portion fruit. On voit le prix sur l'emballage. Et puis là, Géant, dans le fond, moi, j'aimerais ça parce que on vient de vivre sûrement l'année la plus canadienne que le Canada a vécu de toute l'histoire. On se faisait donner des posters. On est dedans. Puis là, ben, je me suis dit, peut-être que le Haut-Canada, ça serait une belle affaire à chanter. Mets-toi-en plein dans la bouche. Là, pis, mettons, qu'est-ce que t'as fait hier à part ça? Gros temps des fêtes? C'est bon, c'est bon. Ton front est sain, le fleuron glorieux. Quand ton bras se penche vers l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée, le plus brillant. Cité de la santé. À mon âge, on aime le confort. Il y a des parcs tout autour et plein de choses à faire. C'est des vacances à l'année. Allez visiter. Je crois que nous avons. Je veux dire, à quelque part, une étiquette que tu vas contester, ça doit être assez difficile de. Ouais, surtout sur cette étiquette-là. De toute manière, il y a des affaires qui se disent pas. Mais non. T'as pas le droit de dire des affaires qui se disent pas. Absolument. Fait que comment tu peux dire au monde du quoi qu'il se dit pas? Étienne? C'est pas facile. Étienne, t'es mis à l'aise? Ouais, ben là, j'étais tout seul sur mon divan, fait que j'en ai profité pour prendre la pause Tino. Correct. Ça. T'es quoi? T'étais à 65%? Ouais, là, j'ai redescendu une peu plus d'énergie. C'est correct, Julien est à 75, fait qu'on garde la moyenne. Je me tirerai pas de ma souris. Exact. Bon. Deuxième bloc, là, on est rendu dans quoi, Étienne? Là, écoute, on est rendu dans le quiz. Moi, je vous avertis tout de suite que j'y prends goût à ça, faire mes chroniques et foirer dans un divan. C'est pas pire, parce que, je veux dire, t'as moi, t'as Emmanuel. Et voilà. Je veux dire, on est deux quand même assez ferrés. Assez, oui. Puis Julien également qui vient de se prendre un micro et simultanément de se réveiller un peu. C'est exact, Étienne. Donc, we've been Bernatchez. Tout est possible. Donc, il y en a des faciles, il y en a des plus toughs, il y a de tout là-dedans. Il y en a qui ont déjà été posés à la rétrospective du mois de mai, donc ça laisse une chance à ceux qui écoutaient cette émission-là. Donc, j'y vais, voilà, avec catégorie les classiques. Donc, on se réchauffe avec une facile. Quel est le nom du troisième album de Fidèle Lachance? Gendon Child. Non, facilité. Fidélité, voilà, fidélité. Je vais m'asseoir finalement. Pour combien de fidélité points? Fidélité dans le couple, fidélité au travail, voilà. Fidélité au... Dans un groupe de travail. Fidélité partout ce que tu entreprends, voilà. Partout ce que tu entreprends. Partout, à chaque fois que tu es quelque part où tu entreprends, donc voilà. Non, ça se dit, ça se dit. Ensuite, nommez deux super-héros qui se sont fait botter ou fouetter le cul par Wesley Willis. Oh. Donc, ça m'en prend deux. Batman. Batman. Batman, c'est bon. C'est un deuxième. Flash. Flash, non. Non. Trop rapide. Ouais, trop rapide. Captain America. Non plus, non. DC ou Marvel? Non, ça, c'est trop quand même. Ouais. Je peux pas battre The Thing. Non, on avait... Attends, Spider-Man. Spider-Man, c'est bon. Ah, c'est bon. Alors, voilà. Batman, Spider-Man, il y avait également Superman qui s'est déjà fait botter le cul par Wesley. Il fait des points. À noter que Birdman, lui, a fait l'inverse. C'est Birdman qui a botté le cul à Wesley Willis. Donc, dans ça, c'est tout dans son œuvre qu'il nous a légué avant de partir trop vite. Voilà. Ensuite de ça, catégorie douteux.tv. Donc, j'ai pris des trucs que j'ai fait jouer cette année à douteux.tv. Donc, pas besoin d'être un fan depuis longtemps. Premièrement, selon Sylvie Vartan, l'amour, c'est comme quoi? Je sais quelques Sylvie instants. Sylvie Vartan, l'amour, comme, c'est... Comme du yoga? Non. Non. En plus, c'est vraiment une des Sylvie meilleures Vartan, découvertes ouais. de la vie. C'est quelque chose, effectivement. Sylvie Vartan, c'est... Sylvie Vartan. L'amour, c'est dangereux? Non. C'est chaud? Non, c'est pas loin. C'est vrai que c'est chaud, mais écoutez, on pense ici. Calorifique! Ah! C'est sur cette terre-là, ça vous dit plus quelque chose? C'est génial. Ça a brûlé. Ça rapporte de brûler, on n'est pas loin. Ça frotte, ça frotte. C'est ha. Je l'avance un peu au parfait. Voilà. Ah, ouais. C'est pareil que une cigarette. C'est comme une érogane. Voilà. Une excellente cigarette. Sinon, la meilleure. Vous vous rappelez d'une fois où j'avais découvert, j'avais fait une découverte capitale d'ailleurs, je ne suis jamais revenu là-dessus, mais où, quand je faisais jouer plusieurs tunes en même temps, ça devenait une autre tune. Oui. Donc, que pouvions-nous écouter en même temps pour soudainement obtenir une chanson de Michel Brûlé? Donc, trois ingrédients pour former une tune de Michel Brûlé. Si vous m'en donnez deux de bons, là, c'est bon. Deux affaires. Deux tunes pour qu'on puisse écouter. Pour mélanger. Ce n'est pas des tunes précises, c'est des artistes. Deux artistes à mélanger. Ah, Michel Brûlé, on le rappelle, c'était très mauvais. C'était pas facile. Je crois qu'il y a un... Du Rammstein. Rammstein, effectivement, c'était dedans. On nous souffle dans l'assistance. L'assistance qui suit. Il reste une autre affaire. Du Rammstein. Rammstein. J'en nomme un deuxième. Luc de la Rochelière. OK. OK. Fallait mélanger ça. OK. Déjà. Et on rajoutait une petite portion de. Un pianiste western. Mais non. Non. C'est un bon plat. Alors, n'importe quelle chanson écrite par Luc Plamondon était le troisième ingrédient. Voilà. Pour que tout soudainement jaillisse du Michel Brûlé. Ah, pauvre gars. Ben, c'est comme ça. Ouais. Alors, voilà. J'y crois. J'y crois. On en écoute un bout. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Ça me ramène des bons souvenirs. Ah, c'est vrai. Tu vois, on en reconnaît, là. En fait, ça, c'est Bruno Corbin qui avait découvert cette affaire-là, qui m'avait donné l'intuition là-dessus. Il m'avait dit, c'est comme si Luc Plamondon écrivait une toune pour Luc de la Rochelière avec Rammstein. Puis en les mélangeant, c'était vrai, ça a été prouvé que c'était effectivement les ingrédients. Ça a été prouvé en laboratoire. Oui, prouvé en laboratoire, en clinique, en essai clinique. OK, donc maintenant, on vous ramène un peu plus loin encore en arrière. Comment s'appelait le goutte d'eau qui voyageait dans un barrage hydroélectrique de la baie James? Oui, histoire qu'on a fait deux semaines là-dessus. Question de vous montrer que quand j'ai rien à dire, je peux tirer la sorte. L'épinette parlait aussi. L'épinette parlait, effectivement. Ouais. La goutte d'eau. La goutte d'eau, le nom de la goutte d'eau. Le nom de la goutte d'eau. Le méthanie? Non, non. Ça, c'était pas loin. C'est une goutte aussi, mais c'est pas la bonne affaire. Une goutte bleue, mais non, c'est pas la bonne goutte. Spermieux? Non plus. Non. Hydroméo? C'est bien pensé, mais non, on a la réponse ici dans un petit extrait. Ah, oh, comme c'est amusant! Il y a longtemps que j'avais sauté le long des branches autant d'épinettes. Mais qu'est-ce qui me chatouille comme ça? C'est moi, Clarinette, la goutte d'eau. J'arrive tout droit du gros nuage. Voilà. Clarinette, la goutte d'eau. Clarinette. Tiré de l'album Clarinette à la baie James. Excellent album. Moi, mon personnage préféré là-dedans, il y avait le Castor Beg. Le Castor Beg. Le Castor Beg. Il volait le show sur le disque. Il prenait premièrement 80% du disque. J'avais bien l'arbre qui se plaignait tout le temps, mais le Castor. Le Castor, il clenche. J'ai une autre question sur cette série-là. Qui faisait la voix de Froufrou l'écureuil roux dans cette même histoire? On peut s'aider en l'écoutant, cette voix. C'est une personne qu'on connaît, mais pas tant que ça. Quelqu'un, il fallait qu'il paye le loyer. Clairement. Parce que ça, c'est Hydro-Québec. Ça, ça veut dire que tu as payé plusieurs loyers. La même de besoin d'équité. Je pense qu'elle l'avait. Je ne sais pas vraiment, mais 80 ans. C'est avant, même. C'est dans le temps de Beijing. Qui c'est qui avait faim dans ce temps-là? Un Éthiopien? Non, non, malheureusement, c'était André Cartier, aussi connu sous le nom de André dans Passepartout. Ben ah, oui, ben voilà, oui. C'est lui qui faisait Foufou. Sa carrière fameux. A explosé. Oui, fameux. Suite après Passepartout, on l'a vu beaucoup. On l'a vu vendre des chars, ça arrive non. une plus facile, plus récente. Quel chanteur français fort connu a finalement copié la majorité de ses succès sur l'œuvre d'étrangers moins connus que lui? Alors, on a des gens qui crient dans le public. C'est Joe Dassin, c'est toi qui nous a appris ça. Ben oui, c'était mon dossier. On savait qu'il nous appelait ses mains, Joe Dassin. Mon dossier scandale. Pas pour rien. Dossier scandale. Joe Dassin. Oui, Mathieu s'en est pas remis encore de ça. Et puis, question qui suit de ça. Qui a interprété la chanson Waterloo Road, sur laquelle s'est basé Joe Dassin pour chanter Champs-Élysées? Un petit indice, ça ferait un excellent nom pour un halfling rogue ou un gnome alchimiste. Et pas facile. Moi-même, ça a pris plusieurs shots avant de le mémoriser. Gottmeder Vigaltomul. Mais c'est pas loin de ça. Luc Mendorf. C'est Smaga Fitzgibbon. Ah. Exactement. Alors, Smaga Fitzgibbon, et celle-là. Qui chante ça ici? On la reconnaît. Smaga. Non. Smaga Fitzgibbon. Walking down the street today. Et voilà. Non, on la connaît. C'est quelque chose, là. Le gars, il a tout. Son musicaliste au complet a été écrit par des étrangers dans une autre. Retournez voir cette chronique-là. C'est une de quelques suppliers. Il y avait un beau sourire. Ouais. On the Waterloo Road. Alors voilà, Smaga. On salue les... Ouais, en tout cas. On salue les halflings qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la contrée. Les halflings à Valleyfield, sérieux, ils n'ont aucune chance de survie. Là. Ils mettent toutes leurs ranks dans Escape Artist, puis ça finit là. Ensuite, on a quel ministre provincial... ça fait longtemps. Quel ministre provincial a eu droit à un spécial émouvant de DJ George le soir de sa démission? Une facile, là, ici. Intéressant. Tu viens pas de ça? Non. Ben là, tout récent. T'as tellement fait souvent des spéciaux pour des... Lynn? Pour des... Lynn Beauchamp, voilà. Lynn Beauchamp, que je me suis pas encore remis de son départ. Lynn Beauchamp, qui j'avais préparé... C'était ma boss, en plus. C'était ma boss, voilà. Ah ouais. Maintenant, ça, là, ça a été changé pour une sorcière. Puis là, finalement, c'est devenu Marie Malavoie qui écrase les gens riches qui envoient leurs enfants dans les écoles privées. Exactement comme je fais. Donc, voilà. Fait que Lynn Beauchamp, qui était partie, j'avais trouvé ça dur. Puis j'avais reporté ma chronique sur la vertu à plus tard pour y faire un spécial. Ouais, gros mot. Ouais. Symbolique. Alors, ensuite, on y va. Quelle autoroute est comme la sœur de Manon Bédard, tellement elle la connaît par cœur? Donc, ça, c'est tiré d'une chanson de Manon la Bédard. La 20. La 20, voilà, la 20. Un bon guess. Quelle autre autoroute que n'importe qui connaît par cœur? Checker la première rime. La tank est à moitié foule. Voilà. Ça fait 8 heures que je roule au secours. Ouais, du nouveau Manon. Yodel, pas de Yodel. Voilà. Non, pas de Yodel, Bédard, non. Non, c'est moins bon. Mais celle-là est bonne. C'est la meilleure de cet album-là. C'est dans son donc, top. Elle dit là-dedans, la 20, c'est comme ma sœur, je la connais par cœur. Je crois que c'est Bruno Corbin qui m'avait suggéré la 20, c'est comme ma sœur, tout le monde a passé dessus. Je salue ma sœur en même temps, qui je sais pertinemment ne m'écoute jamais. Ensuite, voilà. Jamais, elle t'écoute en différé. Non, même pas. Jamais. Quel est le titre de la version française de la chanson de Madonna, Into the Groove, interprétée par le très célèbre Glafouk? Donc, j'avais fait jouer dans le temps que quand Madonna était venue à Québec. Peux-tu faire jouer la tourne? Ah non, on va savoir. Mais ça va donner un petit indice. Ouais. Elle est vraiment mauvaise. Elle était vraiment spéciale. Elle est spéciale, j'aime ça. J'aime pas ça quand tu dis que c'est mauvais. Dans le sillon. Oui, c'est ça. Je l'accepte, entrer dans le sillon. Ah. Donc voilà, j'accepte ta réponse. Ah. Donc on pense à la sillon littéral. Sillon littéral. Inspiration. Oh, c'est vrai. Inspiration. Glass Book. Le très célèbre. Tiré du site Pardon My French, que je recommande à tous. Ah. Fallait vraiment. Pardon my French, c'est de là que ça vient. Fallait vraiment faire traduire groove par sillon. Ouais. Entrer dans le sillon, mesdames et messieurs. Et ça, pour l'avoir déjà essayé dans un party douteux, c'est super bon pour casser le party. Faire jouer cette chanson. Parce que le monde, ils veulent pas entrer dans le sillon. Pas tant que ça. Pas quand on leur dit. Étonnamment. C'est quand ça leur tente. Faut laisser. Faut que tu lui montres le sillon. Oui, puis on les laisse aller dedans. Et voilà, quelque chose qui se fait de façon. Maintenant, quel est le titre de la chanson de Bibi et Julien, et non pas Julien Bernatchez? Ah, sur l'air de la cinquième de Beethoven. Non. Oh, il y a le nom dedans. La chanson du nom. Ouais, on n'est pas loin. Oui, je vais dire non 480 pour un point. C'était, je l'ai fait jouer dans le spécial Edgar Bory. Oui, ça fait pas longtemps. Il y avait un rapport avec son titre. Malade, salade de nom. C'était justement les deux autres. La balade des noms. La balade du nom. Voilà. Et oui, la balade c'est, du nom. C'est vraiment une des loin. Pires chansons de tous les temps. C'est moi ça. C'est sûr qu'il y a un Beethoven qui malgré sa surdité. Avec un petit groupe. Oui, j'ai dit non. Ah, God. Tu m'as dit non. Oui, j'ai dit non. Ça, c'est bizarre. Mais non, mais non. Ça dure 3, mais non, mais non. 3, 4 minutes. Mais non, mais non. 2 minutes. Mais non, 2 minutes et demie, genre. Mais qui a l'air d'en durer 3 heures. Facilement. Donc, voilà. Tiré de magnifique album, Le Rock de la Terre. Oui, je t'aime avec ça. J'ai pas compté les points, mais je pense que de toute façon, tout le monde a gagné. Tout le monde gagne. Bravo. On va réveiller Bernatché parce qu'on s'en. Ah, il est là, puis il tape. Ah oui, il est là. Non, mais Bernatchez, on s'en va écouter. On s'en va écouter un clip. C'est Stefano Di Mariano, qui est juste après ça. Ça va être toi et ta chronique. Ton moment. Bravo! Le Great Assist Bernatchez all the way à 70% en différé. Si tu veux d'autres rimes et ben tant que prêt, je commence à faire jouer le clip de Stefano Di Mariano. Yo! À son dingue mon slip dingue, à son dingue mon slip dingue, à son dingue mon slip dingue, à son dingue mon slip dingue. Il fait très beau à Saint-Tropez, il y a des belles filles à Saint-Tropez, il y a des beaux mecs aussi à Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez. Moi je t'aime à Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez. À son dingue de mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip. À son dingue de mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue. Tu es parti très loin de moi. Moi je t'aime tellement, Roulia, mon amour. Je t'aime tellement, mon amour, si je lis. Toutes les nuits je rêve de toi, mon amour. Toutes les nuits je rêve de toi. Toutes les nuits je pense à toi, mon amour. À son dingue, mon slip dingue. De mon slip dingue, de mon slip à son dingue, dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip. Je suis tout nu sur les bords de Saint-Tropez, je suis tout nu à Saint-Tropez. Je me bats tout nu sur les bords de Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement, Roulia. Toutes toutes les nuits je rêve de toi mon amour. À son dingue de mon slip dingue de mon slip dingue de mon slip dingue de mon slip. À son dingue de mon slip dingue de mon slip dingue de mon slip dingue de mon slip. À son dingue de mon slip dingue de mon slip dingue de mon slip dingue de mon slip. À son dingue dingue de mon slip. Pour être chanceux, c'est autre chose. Pour être gagnant, il faut qu'on ose. Avec Super Pose, évidemment. L'amour est un jeu dont on dispose. Ça se joue à deux, chacun son rôle. Pour jouer gagnant, je te propose une Super Pose. Ça prend une île, pour être entouré, ça prend la ville. Mais pour t'évader, je te propose une super pause. Super pause, c'est un jeu, c'est si facile. Super pause, ça rend heureux, ça nous enivre. Bon matin. Tu nous ramènes des découvertes Great Assets, 250 émissions. Toi, t'es comme l'avant-nouvelle génération. Oui, je suis bien. Parle-moi, Julien. Salut, ça va, les capotés? Ouais, je te donne ça, si tu veux. Prends mon texte. Oui, prends ton temps et ton texte. Écoutez. Tout va bien aller. Bon, par où commencer? On commence par le début. Fait que je vais en tenir mon texte à l'avenir. Fait que voilà, j'ai été invité à l'émission pour la première fois le 16 mai 2010. Oh, donc par, je ne comprends pas, Israël Denis, qui appréciait mes capsules de Lucky Luke Moiro sur YouTube. Puis il a dit, ah, viens à 70%. Je ne savais pas trop ce que je faisais là, finalement, pour improviser 5 minutes sur Lucky Luke. Ça a été un plaisir. Oui. Un bon plaisir fou. Celui m'a dit, reviens à l'émission, puis viens parler de bande dessinée. Fait que malheureusement, j'ai relevé le défi. Et deux semaines après, je faisais une chronique sur les 4 As. Oui. Puis sur PC Gadget. Puis oh. Sur. Oui. qui est devenu. Qui se transforme en 4 volets différents. Puis éventuellement, la 4e chronique a été sur Bob et Bobette. Et pour Bob et Bobette, c'était une chronique que j'avais décidé, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup d'albums. De deviner le contenu de l'album par le titre. Puis après ça, par la suite, j'ai réussi ce concept-là parce que j'ai pas beaucoup d'idées. Puis c'est devenu ce que j'ai appelé le traitement Bob et Bobette. que les gens peuvent juste comprendre s'ils ont écouté ce chronique-là là, longtemps, mais en tout cas, mais bon. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux ce soir, je le sais, ils sont tous là. Et malgré ma paresse, j'ai jamais fait de best-of, j'ai jamais ramené ces trucs-là, je les ai jamais redit. Fait que là, ce soir, on va faire pour fêter la 250e émission. Voilà, ma 46e chronique BD et les 7 ans de 70%. Un best-of de mes chroniques BD, de mes traitements Bobby Bobette. C'est bon. Hey, ça va être pour les archives. Oui, oui, c'est ça. Ça pensez. Je t'écoute, Bernie. Ben non, mais là. Écoute-moi pas quand même. Vous attendez sur ta 9, là, mettez-la à 7. On donne ça, ça va être parfait. C'est bon. Alors, Bobby Bobette, tombe 43, l'œuf bourdonnant. L'abbé réalise qu'il y a une abeille dans son œuf, il le mange quand même. Tombe 50, la kermesse aux singes. Bobby Bobette vont faire un tour au festival juste pour rire. Tombe 161, le boomerang qui brille. Bob joue toute la nuit avec un maudit boomerang qui brille, empêchant Bobette de dormir. Je n'ai jamais refusé ce gag-là. C'est dommage, parce que c'est important. 175, Cupidon perd le nord. Bob surprend l'ambic en train de prendre sa douche, le trouve étrangement de son goût et ne comprend plus très bien ses sentiments. Le tombe 217, le coco comique. Bob s'étouffe avec un œuf, ce qui amuse beaucoup Bobette. Le tombe 233, la tactique du tic-tac. Oh. Jérôme découvre que quand tu joues au tic-tac-toe puis que c'est toi qui commences et que tu mets ton X ou ton 0 dans un coin, tu peux gagner tout le temps. Cette découverte ne le réjouit pas, mais le déprime. Oui, c'est ça. Cette découverte ne le réjouit pas, mais le déprime, réalisant qu'on ne peut se fier à rien. Ça remet les choses en perspective. Ouais. Arrêtez de place trop voyant. Numéro 239, l'astre agonisant. Bobette réalise, impuissante, que ses aventures ont perdu beaucoup de leur lustre. Mais en ont-elles déjà vraiment eu? Tombe 284, le choc des chauves. Jérôme réalise qu'il n'y a rien de drôle à la vieillir. Ah oui. Tombe 200. De l'album de 60. On se souvient de l'album de 1984, le choc des chauves. C'est ça qui se passait. Tombe 286, le flûtiste farfelu. Tu sais, le gars à Berry-Cam qui joue de la flûte avec ses narines, ben tant Sidonie couche avec. Je voudrais que depuis, il est mort. Mais bon, voilà. Tombe 200. Salut sa succession. Tombe 192, l'intrus de la ronde de nuit. Bob fait de l'ecstasy à la nuit blanche de la ronde. Il se réveille nu dans le dôme Nintendo et ne se souvient plus de rien. C'est pas arrivé. C'est pas... J'ai pas lu les albums, j'ai juste lu le titre. Ensuite de ça, on continue. J'avais fait une chronique sur des crossovers franco-belges. Dans la bande dessinée de... dans les comic books américains, il y a beaucoup de crossovers. Marvel rencontre Spawn, patata. Ouais, Superman montre la Flash comment aller vite. Dans la bande franco-belge, il y en a très peu. À ce moment-là, j'avais mentionné, les petits hommes ont fait un album avec Mustache, mais il y en a presque pas. Ça a du puits en arrière tout le temps. Ouais, ça a du puits, c'est si Marvel y arrive. Mais j'en ai quand même inventé quelques-uns. Alors ici, Pif et Soda. Pif. Pas en venir à ça, mais bon. Soda, Pif se ramasse à New York pour aller voir des expositions pendant que Soda combat le crime de son bar. Il ne se rencontre jamais et ne passe même pas proche. C'est quand même grand New York. Natacha rencontre Yoko Tsuno. Natacha et Yoko Tsuno se saoulent, puis là, genre, ils se battent dans la boîte, puis Yoko Tsuno elle monte ses boules, puis Natacha monte sa jupe. Oh yeah! Mafalda et Picsou. En tout cas, on disait les mêmes affaires. Oui. Mafalda et Picsou. Picsou s'en va en Argentine avec ses neveux pour trouver un trésor avant Gripsou et Mystique. Ils croisent Mafalda et les deux développent une improbable amitié canard-petite-fille basée sur leur dégoût mutuel des injustices sociales. Auquel Picsou participe grandement, d'ailleurs. Oui, en fait, ça ne réalisait pas ça à ce moment-là. Ben oui, mais ils n'aiment pas ça, les injustices sociales. Ils n'aiment pas. Puis, ils aiment bien contrôler. Oui. Non, pas pareil, là. Josette, Joko et l'incroyable Hulk. Josette, Joko et l'incroyable Hulk se retrouvent en Écosse afin d'enquêter sur une malédiction étrange dans un village qui s'avère être une supercherie du propriétaire de l'auberge. Ah! Tu crossover le Scooby-Doo? Ouais, c'est ça. Le Scooby-Doo. Jojo et Kid Paddle. Kid Paddle veut jouer au PlayStation toute la journée pendant que Jojo découvre que l'enfance c'est beau, mais éphémère comme une fleur. Alors voilà. Ensuite de ça, j'ai fait je continue avec Sylvain et Sylvette. Ouais. Là, t'es pas obligé d'être familier avec Sylvain et Sylvette pour ou avec les personnages pour apprécier. Tombe 14, l'union fait la force. Chloé la tortue qui zozote réalise que c'est bien moins chiant de peinturer un appart en gang que tout seul. L'union fait la force. On passe tous par là. Oui. Une région peu hospitalière. Sylvain et Sylvette décident d'essayer de se trouver un appart dans la grande ville, mais réalisent que l'inceste est bien moins reçu dans les milieux urbains que et retournent une base dans leur forêt aussi noire que leur âme. On va, hein, mais... Pour travailler le delivery un peu. Oui, ouais, c'est bon. ça finit-tu bien? Je sais pas, juste le synopsis, mais... tombe 7, tel est pris qu'il pourrait prendre. Sylvette tente de tromper Sylvain avec Mignonnet l'agneau, mais attrape une MTS généralement associée au mouton. Tel est pris qu'il prendre. Tombe 27, Pampan fait une fugue. Pampan fait une fugue, voulant attirer l'attention vers lui, mais personne ne part à sa recherche. Il revient 4 jours plus tard et ne mentionne jamais plus cet événement. Je me répète celle-là. Oui. C'est de Pampan fait une fugue. Il revient, personne, tout le monde s'en foutait. Ça dérange le corps. Puis là, il n'en reparle plus. Elle dure 20 pages. Tombe 56, en route pour le Mexique. En route pour le Mexique, compère Renard se paye un tout inclus plus d'une semaine au Mexique pour se venger les idées, mais finalement, il la passe aux toilettes malades. L'argent qu'il va perdre dans ce voyage va l'obséder et l'enrager pendant 2 ans, des années qu'il ne retrouvera jamais. Tombe 39. Au feu, au feu! Sylvain se découvre un intérêt pour la pyromanie et maintenant, il faut cacher toutes les allumettes dans sa présence. L'hiver sera froid. Ou vraiment très chaud. Oui. Ça, c'est la première année à choc, à feu choc. J'en ai pas pris trop de la dernière année, vu que, bon, c'est récent, on s'en souvient. Mais j'ai gardé Michel Vaillant. Ouais. Ah oui, c'était touchant. Il était bon, celui-là. Michel Vaillant, ouais, oui. Qui était pas mal drogué, si je me rappelle bien. Il y a des problèmes de consommation. Ben, c'est généralement ça. Soit drogué, soit institutueux, Mais bon. Michel Vaillant, tombe 1, le grand défi. Michel Vaillant essaie de lire un de ses albums au complet. C'est que de mise en abîme, incroyable. Ouais. C'est ton mort, en plus, la part de chambre. Il y a cet album-là. Il n'est jamais capable. Il n'est pas capable. Tombe 13. Concerto pour pilote. La femme de Michel achète une paire de billets pour l'opéra et Michel fait semblant d'être content d'y aller pour avoir la plus intellectuelle auprès d'elle. Finalement, après 1h30, il n'arrive plus à jouer la comédie et sort de ses gonds au beau milieu de la salle pleine. Le comportement contradictoire de Michel effraie beaucoup sa femme. Et cette dernière se met à regarder les autres hommes. Elle n'aura jamais le courage de le quitter, se trouvant trop vieille et laide. C'est con, ça. Ça finit souvent une enfilade. C'est moi, c'est pas ça que ça déjeune. C'est toujours pour pilote. C'est toujours le pire en fait. Ça finit qu'elle ne trompe pas. Fait que, non, bon. C'est comme tombe 19, 5 filles dans la course. Il y a vraiment beaucoup d'accidents, celle-là. Oh, pis c'est pas l'air. Tombe 24, cauchemar. Le fils de Michel a depuis des semaines des cauchemars récurrents de son père qui meurt dans d'horribles souffrances lors d'un accident terrible. Chaque matin, en déjeunant à ses côtés, il le revoit le visage en sang, criant sa douleur en sortant des flammes ardentes. Il n'ose pas lui en parler car il n'a pas une très bonne communication avec lui, mais les remords que ses cauchemars s'avèrent prémonitoires affectent grandement ses résultats scolaires. Cela rend Michel très violent. Et son fils finit par se dire que cet accident ce ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Je me rappelais pas que c'était aussi dark que ça, ouais, Michel Vaillant. Son fils s'imagine que Michel va avoir des accidents de char, ça le traumatise. Okay, bon. Ah, c'est ça. Tombe 44, Steve et Julie. Michel est pogné pour aller manger avec un couple d'amis de sa femme, Steve et Julie. Steve arrête pas de parler des séries télé récentes qu'il a aimées, puis de l'entraîneur anglophone du Canadien. Puis Julie arrête pas de chialer sur les maudits gars, puis sur le bye-bye, parce qu'il y a trop de jokes de politique. Michel regarde en silence son couteau à steak sur la table et se perd dans ses pensées. Steve et Julie, tombe 44. Michel Vaillant. Oui, Michel Vaillant. Pas beaucoup de courses d'auto. Tombe 55, une histoire de fou. Dans celle-là, il arrive plein d'affaires. Alors voilà. Fait que c'était un petit best-of de mes traitements Bobby Bobette des 2 dernières années. beaucoup de plaisir à votre compagnie. J'ai toujours donné mon 70% depuis 2-3 ans. Ben, ce qui est sûr, c'est que tu fais partie du paysage. À cette heure, ouais, on te prend pour acquis maintenant. C'est exactement. Prenez-moi pour acquis. Et je me donne un 5 sur 10. Bon, nous autres, on te donne senti. Un 7 sur 10. Un 5 sur 10 7. Bien senti parce que j'ai pas tout à fait mis l'effort, mais bon, j'ai essayé. Merci bien gros, ouais, Julien. Tout le temps, plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Tu fais pas longtemps, mais on va continuer longtemps. Ouais, bon, ça, là-dessus, check bien. On va aller pogner encore une couple de nouvelles. On va en avoir 3. Ça va être Emmanuel, côté Séguin. Moi-même, on poursuit en force en nouvelles. Un fermier allemand de Mombris a reçu la visite de policiers récemment lorsque des voisins ont signalé les quelques 1000 plants de cannabis hauts de 3 mètres qui poussaient dans son champ. Le Bavarois de 74 ans explique que dans une tentative de faire pousser des tournesols, il avait semé un mélange de graines à oiseaux qui contenait aussi des grains de chanvre. Il n'était pas familier avec les plantes qui ont poussé plutôt que les tournesols prévus. Un policier explique au journal local, ce genre d'incident n'est jamais arrivé auparavant. Il voulait seulement de jolis tournesols. Selon la police des narcotiques, les plants ne sont pas assez puissants pour faire une drogue efficace, mais le fermier a quand même dû raser sa récolte de surprise. Ouais. Pour la liberté. C'est une défense intéressante. Un beau qui pourra quand même. Ben ouais, je voulais des tournesols. Je comprends pas comment ça peut être illégal. Ouais. On nous l'a assez souvent martelé, l'amour est une cigarette. C'est vrai. Ouais. Constamment. Fumer lorsqu'on c'est est enceinte. C'est une cigarette, mais c'est l'amour. C'est ça. Non, mais fumer lorsqu'on est enceinte, tout le monde le sait, c'est mal. Hein? Certaines personnes prennent cette recommandation plus au sérieux que d'autres. Justin Dane Palmer, de 24 ans, s'est indigné lorsqu'il est passé à bord de son pick-up Dodge Bleu, je souligne, près d'une jeune femme qui fumait malgré sa grossesse. Après lui avoir demandé, voulez-vous bien me dire qu'il fume quand elle est enceinte? La femme lui aurait répondu tout simplement, moi. Après une argumentation plus étoffée que je vous tairai, Palmer aurait sorti une arme à feu et l'aurait brandie vers la femme. Probablement pour lui faire comprendre son point ou provoquer l'accouchement, peut-être, je ne sais pas. C'est ça, pour qu'elle puisse continuer à fumer. Ouais. Après avoir quitté la scène, il fut arrêté par la police peu de temps après. Il a avoué avoir eu une altercation avec la dame, mais pas qu'il avait pointé son fusil sur elle. Par contre, une fouille de son véhicule a révélé qu'il possédait deux pistolets Glock de calibre 45, qui tend à confirmer... Moi, ça veut rien dire, ça, par exemple. Deux, hein? Deux. Mais il en a sorti juste un? Ouais. Non, d'un coup que le premier, ça c'était pas assez pour la faire changer d'idée. Puis elle continue à fumer? L'histoire ne le dit pas, mais probablement. Sûrement qu'elle a oublié sa consommation, peut-être. Selon la façon dont elle y a répondu... Suite au stress. Immontré. La dernière, il y a un petit message d'intérêt public dedans. Le chapitre de la fraternité Pi Kappa Alpha de l'Université du Tennessee a été suspendu dernièrement après que ses membres aient légèrement dépassé les bornes dans le domaine de l'ingestion d'alcool, raison d'être principale de toute fraternité, on s'entend. Ouais. La police qui inspectait la maison de la fraternité est tombée sur de nombreux jeunes hommes endormis et ou évanouis dans différentes pièces de la maison entourés de sacs de vignées vides. Un des ivrognes a d'ailleurs dû être hospitalisé pour empoisonnement éthylique avec un taux d'alcoolémie bien au-delà de 0,4. Juste un. Oh boy! 0,4, ça commence à être beaucoup. Chris, après s'être adonné... Après s'être adonné avec ses comparses à une technique bien particulière nommée « butt chugging ». Si vous n'avez pas entendu parler de cette merveilleuse technique, comme son nom l'indique, cette méthode des plus chics consiste à ingérer l'alcool par le rectum, puisque la haute concentration de vaisseaux sanguins, semblerait-il, à cet endroit, accélérerait et amplifierait les effets de l'alcool. La grosse classe, quoi. Tout à fait. Fait que t'as comme une fraternité au complet qui se met des vignées dans le cul. Viens avec ton vignet. Penses-tu qu'au Tennessee, ils sont pour ou contre les mariages gays? Checkez vos flûtes, gang! C'est de belles nouvelles, ça! C'est merci, pas... Emmanuel! Ça fait plaisir. Là, tu nous as pas sorti un spécial vernis avec de la classique qui était au-delà de ce qu'on avait d'habitude. Non, non. Parce que c'est un spécial. C'est exactement. C'est l'humanité qui est en train de nous sortir son best-of de ce qu'il ne faut pas faire pour notre 250. Voilà. On en avait 6 autres, mais Bruno n'est pas là. Bon, on va les il sera là à un moment donné. Parce que ce qu'on va aller faire, c'est un petit dernier bloc d'Étienne Forêt, oui. Parce que c'est un de nos collaborateurs les plus précieux. Oh, oui, il était là avant tout le monde. Avant tout le monde. Tout. Regarde-moi, Julien, il se colle. Moi, je suis arrivé le 10 mai 2010. Vas-y, petit quiz. Donc, voilà. Encore un quiz? J'ai quelques questions avec des extraits audio. En fait, l'idée, c'est simple, c'est que je pars une toune, puis quand je l'arrête, vous devez dire la phrase qui suit dans les paroles. On se croirait à la fureur. Donc, voilà, exactement. C'est comme mon blog Véronique Cloutier. Sauf que tu n'as pas besoin de chanter en faisant ça. Ben oui, c'est juste qu'il ne faut pas chanter en même temps, ça repart après. Là. Moi, j'enlève ce bout-là. Il faut juste dire les paroles. C'est tout. Donc, on y va déjà avec ceci. Et l'after. Un petit facile pour se chauffer. Move around. L'after number one. On écoute une très, très bonne chanson. Hein? C'est exactement ça. Oui, c'est parfait. Julien qui me rappelle, bon, quand mon fils avait un an, il faisait ça comme ça, il faisait des siestes interminables, mais quand il se réveillait, c'était concentré l'énergie. Là. Cette chanson me fait tellement bien. Là. C'est les lofters, c'est excellent. Cette chanson me rappelle l'été. Oui, c'est vrai. Mais c'était le rime officiel à saison 1 en France. Oui. J'en ai un autre, OK, un autre, on change de... Dans un appartement, l'été. Ouais, oui, c'est vrai, hein, en peinturant. Dans la décapotable sur la plage. En haut et en bas. Oui, ouais, c'est vrai. Lofter number one. C'est lofter. Sinon, bon, on y va avec, maintenant avec Bouchard. Attention, c'est culinaire. Ma blonde me fait des hamburgers. Bon hot dog greluche moutarde. Oh ouais, c'est presque ça, mais je l'accepte. Hot dog greluche moutarde. Ça va. Accepté. Non, non, je te l'accepte. Non, c'est bon. Si c'était sévère, je t'aurais pas donné le point. Là, je te le donne, le point imaginaire. Oh yeah! Yeah! Bravo. Je le multiplie en 10 et je l'investis en immobilier. Bonne idée. C'est bon. On y va avec quelque chose d'un petit peu plus corsé. Josette Noreau. Dans sa chanson Woman Oppose. Ah, oh, un excellent classique. Aïe. Je l'avance tout de suite à 29 secondes. Woman Oppose. Pas facile. Je suis pas dormi depuis des nuits, je m'endure plus, je me reconnais plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens que je dérive, c'est pas moi qui mène. C'est pas moi qui mène. C'est l'estrogène. Et voilà! L'estrogène. Bon. Ça, c'est la meilleure rime de tout l'album. C'est pas moi qui mène, c'est l'estrogène. Elle essaye même pas de le prononcer pour sa rime. Elle s'assume. Voilà. Donc, quoi, ménopause? Je l'ai dit à ma femme, en passant. C'était l'estrogène qui menait? C'est l'estrogène qui mène tout le temps. Oui, constamment. Ensuite, maintenant, petite chanson. Là, on change de jeu, mais toujours avec un extrait audio. Je vous fais écouter une chanson, ici toujours tirée de Love Story, mais cette fois-ci l'album numéro 2, chanson de Félicien. Et je vous demande sur quelle chanson de légumes a été copiée la chanson Kum Kum Mania. Ah. Donc, qu'on entend ici, je l'avance déjà un petit peu. Chauffer, donc, c'est copié sur une chanson de légumes. Il y a un volume 2. Il y a un volume 2. Oui, t'étais pas là, hein? Oui. J'ai fait jouer au complet. Il y avait beaucoup à dire. Ouais. Ça commence par manger des. Et là, il y a un légume. Manger des patates. Carottes. Non plus. C'est une racine. C'est une racine, on est en bonne zone. Carottes. Des ravioles. Non plus. Des ravioles du pénis. Je parle la réponse. Manger des grosses graines. Manger des radis. Les radis qui nous mangent. Les radis. Manger des radis. Il y a juste Love Story pour prendre une toune à manger des radis et transformer ça en été. Ça, on appelle ça vraiment de la vraie méta-cochonnerie. Ouais. Donc, dernière chanson, je conclue le quiz avec ça. Donc, on rappelle la marque Infinité partout, tout le monde a gagné. Pour un point. Donc, pour pouvoir avoir possiblement infini plus 1. C'est le tiebreaker. Ah oui, c'est ça. Donc, pas grand-chose, hein? Quelle chanson a été complètement déformée par Philippe, un certain Philippe qui demeure plus anonyme, sur l'album Bocan, Music in the Margins? Donc, on l'entend en ce moment. C'est une chanson complètement déformée. Pardon? Non, c'est pas Champs-Élysées, non. Guantanamera? Non, mais c'est un bon flash. Mais là, je le décante qui voulait se battre. Non, ça c'est Martin Deschamps. Je l'avance à un endroit où il va avoir un petit indice. Ouais, c'est ça. Attention, dans quelques secondes. Ici. La balade des gens heureux. Et voilà. C'est ça. La balade d'Alton? C'est exactement ça. La balade des gens heureux, c'est le titre de la chanson. T'as un point? Oui, t'as un point. Infini plus un. Et voilà. Non, non, toi aussi. Tout le monde a gagné, mais toi plus. Plus Emmanuel. Grâce à ça. Voilà. C'est la fin de ce quiz récapitulatif. Je suis content, il y a du monde qui écoute ma chronique. Là-dessus, on vient de finir notre 250e 70%. Ouais. Découvrir un nouveau studio, se faire des nouveaux amis, des nouveaux alliés, tout le reste qui va avec. Ça fait un an que Douteux TV existe aussi. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Ça va s'améliorer tout le temps de la bonne manière. Merci à Alexandre Grenier, beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci à l'excellent Stéphane Pageau, à Marianne qui était là, Boudreau qui est parti, bon, Bruno Corbin. On merci à Milan. Merci à Fred, a.k.a. God Almighty. Merci à Bernatché. Je vais pouvoir retourner te coucher. Merci à... Non, il s'en va sur 8 heures. Emmanuel, tranquillement. Et surtout, merci à Étienne Forêt. Non, pas surtout. Pas surtout. Donne-moi pas de surtout. Là. Ouais, c'est ça. Surtout, merci à moi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est surtout. Bon, ça. Là-dessus, on s'en va écouter Le Choix de Dieu. Et juste après, ça va être World Trade Company. J'ai oublié le nom, mais c'est le court-métrage de Jonathan Levert dans lequel je suis le héros. Je ne l'ai jamais vu encore. On va écouter ça sur les ondes de douteux.tv en primeur. 250-70%. Il en reste plein encore. Ouais. Merci. Continuez de nous suivre sur douteux.tv. Puis dans pas long, ça va être l'excellent 2013 Jeu de la mort avec Evan Lurie. Je m'appelle pas Norman en cyborg. Voilà. Bye, les amis. Vas-y, Dieu, on te laisse le contrôle rendu là. Le meilleur est à venir. Tout à fait. J'espère, en tout cas. Ça sent bien. On the Carrot Highway. Are you going my way? On the Carrot Highway. Hey, hey, what do you know? Are you with me as I motivate and navigate? While I educate about a little sweet orange-colored root. It's the story of the carrot. And it follows a road that stretches around the world. So come along and belong to my song as we travel along down the Carrot Highway. Are you going my way? Down the Carrot Highway. Are you going my way? Down the Carrot Highway. They taste so good on my salad. They're fun as a tasty snack. They're frozen or steamed or cut up or creamed and they can matter how you feel, nutritious or delicious, a happening part of any meal. Crunch. Give me a bunch, I got a hunch, I got a munch, a bunch of carrots. Crunch. That's right, don't tell me no, cause now I gotta go down the Carrot Highway. Are you going my way? On the Carrot Highway. Are you going my way? On the I'm double loaded with good taste and lots of vitamins. I make a pretty impressive presentation with my long, lean, tapered body. Not a gunslinger in the West who can resist me, especially in those fresh packs or when I come to their refrigerators already peeled and cut. Mighty t-